J'ai plus envie de faire semblant d'être dans le mou, frère. Évolution, mes goalposts munis de mon booster. Parti de rien, j'arrive vrai haut et je t'emmerde, toi. Tout a gagné parce qu'au pire, man, je perds quoi. Je resterai à part, loin d'être un incapable. Réfléchis, ce n'est qu'après que tu franchis un cap. Le chaos mag, je n'ai plus la foi, plus confiance en l'homme. J'aide mon prochain, mais dans la merde, ne compte pas en l'autre. Meurtri par la rage que j'ai vu dans les yeux de mon frère. Aucun homme ne mérite ce qu'ils lui ont fait. Tout est gâché une fois de plus, une histoire naze. Je raconte ça entre rage et écarlate. On fait les malins, mais tout s'écroule si vite. On construit pour tout perdre la seconde d'ensuite. Voilà le triste refrain, une existence foutue. Où les regrets se mélangent aux larmes entre deux coutures. J'ai vu mon pote se faire soulever par la peine, frère. Pendant que les putes se faisaient secouer. Plein de médailles, mais dites-leur qu'on n'est pas pareil. Que leur monde n'est pas le mien, qu'il est parallèle. J'ai vu mon pote se faire soulever par la peine, frère. Pendant que les putes se faisaient secouer, se faisaient plaise. Plein de médailles, mais dites-leur qu'on n'est pas pareil. Que leur monde n'est pas le mien, qu'il est parallèle. Hier ami, aujourd'hui adversaire. Le passé me l'a mise, mon futur m'est adversaire. Honnêtement j'en ai rien à foutre de ce que t'en penses. Tes potes branlent sur ta meuf, dis-moi est-ce que t'entends. La vie c'est un bordel man, il y a tant de putes. Si le bonheur se fait désirer, je ne l'attends plus. J'ai plus envie de faire semblant d'être dans ton monde merde. Meurtri par la rage que j'ai vu dans les yeux de mon frère. J'ai vu mon pote se faire soulever par la peine, frère. Pendant que les putes se faisaient secouer, se faisaient plaisir. Plein de médias.